l'original de la tondeuse. La première. Il est 16h. Et là, normalement, il est censé y avoir un jingle, mais je vais le faire moi-même. Tum, tum, tum. Votre journal, Pierre-Yves Meugens. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour à tous. Les réunions s'enchaînent après l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies. Le gouvernement wallon s'entretient depuis une heure avec la direction du groupe Caterpillar à Namur. Paul Magnette, le ministre président, prévient. La région mettra tout en œuvre pour aider les travailleurs et faire face à ce licenciement qu'il qualifie de brutal. Nous l'avons joint juste avant cette réunion qui a débuté il y a une heure. Voici ce qu'il en attend. On va d'abord évidemment demander toutes les informations, demander tous les faits, demander tous les chiffres et vérifier que les calculs économiques qu'ils présentent sont corrects, parce qu'on a de sérieux doutes à ce propos, et on va effectivement proposer des alternatives. Mais hélas, on sait que la direction même belge et européenne a été complètement écartée de cette décision. C'est une décision qui a été prise au siège américain de Caterpillar, et il y a peu de chance, il n'y a pas d'exemple dans le passé d'un retour sur cette décision. Donc on va tout faire pour négocier un maintien d'activité, mais si ce maintien d'activité ne peut pas être obtenu, alors il faut très rapidement travailler à une reconversion. Et la réunion est toujours en cours, nous vous tiendrons évidemment informés dès qu'elle se termine dans nos prochaines éditions. Plus tôt, en début d'après-midi, autre réunion d'une heure environ, celle-là. Là, Paul Magnette était également présent en compagnie du Premier ministre Charles Michel, ainsi que des deux ministres de l'Emploi, l'un au niveau régional, au niveau wallon, Éliane Thilliot, et l'autre au niveau fédéral, Chris Peeters. Une première rencontre avec les syndicats pour préparer la réplique politique à l'intention de fermeture dans l'entreprise. Je vous propose d'écouter Charles Michel qui y participait donc à cette réunion. On essaie comme gouvernement en Belgique, comme dans d'autres pays, d'attirer des grandes entreprises pour créer de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Et c'est vrai que quand ces grandes entreprises décident d'un coup de crayon de s'en aller, c'est un choc brutal. C'est ce que nous vivons maintenant. Et nous devons donc regarder comment on continue à moderniser structurellement notre pays pour attirer durablement des entreprises. Et ici, il y a un sentiment d'injustice, puisque le pays a fait de gros efforts pour la compétitivité des entreprises. On a baissé massivement les charges. Il y a des initiatives effectivement pour encourager un investissement de longue durée de l'entreprise en Belgique. Donc effectivement, il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment d'injustice. Mais on va se battre, on va pas se laisser abattre, on va se battre, on va batailler main dans la main avec les travailleurs, avec les familles, au-delà des couleurs politiques, regarder dans la même direction et voir vraiment, de manière presque militaire, hein, point par point, comment on peut faire valoir les préoccupations du pays et les préoccupations des travailleurs et de leurs familles. Charles Michel, interrogé par Rudy Hermans. Le choc aussi chez les anciens de Caterpillar. L'homme que vous allez entendre a dû quitter l'entreprise il y a 3 ans après une restructuration en 2013. À l'époque, on parlait de licenciement inévitable pour assurer justement l'avenir de cette entreprise. Et bien aujourd'hui, Caterpillar Gosselies ferme définitivement ses portes. Alors forcément, c'est un sentiment d'amertume qui domine. Écoutez. Donc j'ai fait partie des 1400 personnes qui ont été licenciées. Donc on s'attendait à quelque chose, mais pas la fermeture complète. Pour vous, il y avait encore de l'espoir quand on a, en 2013, parlé de ce plan, les 1400 emplois. Le discours, c'était quoi? On relance et puis finalement, ici... Objectivement, j'y croyais pas trop. Vous pensez à vos anciens collègues, on imagine, ce matin? Absolument. Les premières pensées vont vers eux. Attends, on s'était fait une raison vu l'âge de mon mari. Donc, mais c'est pas bon pour les jeunes, ça c'est certain. Une réaction recueillie par Sarah Devaux, une marche ou en tout cas un mouvement en soutien aux travailleurs devrait avoir lieu tout à l'heure à Charleroi. La direction de Caterpillar évoque 3 raisons principales pour fermer le site de Gosselies et licencier donc d'un coup sec ses 2200 travailleurs. 1. La taille du site et les coûts que cela engendre. 2. Le niveau de surcapacité de Gosselies. Et puis 3. Caterpillar est capable de produire ailleurs à moindre coût et avec moins d'investissement. Produire ailleurs, on sait où déjà. Une partie serait délocalisée vers Grenoble en France et l'autre hors Europe. Cette décision ternit forcément les activités du week-end qui démarre dès ce soir à Charleroi. La ville fête ses 350 ans des festivités maintenues, mais dans un ton plus sobre et dédié aux travailleurs de Caterpillar et leurs familles. Je vous parlais en ouverture de ce journal de cette réunion, donc deuxième réunion de l'après-midi entre le gouvernement wallon et la direction de Caterpillar Belgique, à Namur, qui est en cours. Eh bien, elle vient de se terminer. La décision est passée un peu inaperçue, mais le gouvernement fédéral a décidé la semaine dernière de prolonger la mission de protection des militaires en rue pour un mois de plus. Décision prise vendredi dernier lors du Conseil des ministres de rentrée. Une mission prolongée donc jusqu'au 2 octobre, moment où l'OCAM, qui analyse la menace, procédera à une nouvelle évaluation globale de cette menace. 1828 militaires sont actuellement déployés en rue en vue d'assurer des missions de surveillance en appui des services de police. Et puis à l'international, le gouvernement irlandais a décidé de faire appel à la décision de l'Union européenne concernant la société Apple, une société qui doit rembourser à Dublin 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux. Le gouvernement est unanime pour faire appel de la décision, une décision qui évite à ce fragile exécutif irlandais, dont les ministres étaient apparus divisé sur la question de plonger dans une crise. Voilà pour l'essentiel de l'information. Bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Je vous laisse en compagnie de Walid. Vous avez fait le déplacement, vous entendez de loin, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors nous sommes en plein cœur du Parc Royal pour cette 7e édition de la fête de la bande dessinée et nous sommes presque sérieux sur la première. Retour de l'information tout à l'heure à 16h30. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui, vous l'avez remarqué comme moi, sont bien plus proches de nous, bien moins hautains, bien plus sexy que ceux et celles du passé. Souvenez-vous... Oh, Paul-Henri Spin. Souvenez-vous, dans le passé, vous étiez quand même beaucoup plus collé-monté. Marie-Martine Chine, sans couverture d'un journal de mode, c'est quand même plus vraisemblable que Paula Dunt. Les plus anciens se souviendront de la vieille blague « On reconnaît sur la photo de gauche à droite Madame Paula Dunt ». Alors, dernière question, pouvez-vous me donner trois raisons qui vous motivent à devenir instituteur ? Décembre, juillet, août. Très bien. Et la fête continue ! 12 minutes au JT de 13h donc, j'ai tout regardé, c'était vraiment bien foutu. C'est bon de s'informer, j'ai appris plein de trucs. Alors il y a des enfants qui sont contents de retourner à l'école pour retrouver leurs amis, mais qui aimaient quand même bien aussi les vacances. Il y a ceux qui ne sont pas contents de retrouver leurs amis, parce qu'ils n'en ont pas. Là je pense qu'on aurait pu flouter leur visage. Évidemment ils n'ont pas d'amis. Le roi Soleil s'éteint après 72 ans de règne et 4 jours de son 77e anniversaire. Il était vraiment dans un sale état. Ah non mais il a terminé, mais troué de partout, hein, je peux vous dire. Je vous promets. Salut, c'est au moins un point commun avec Kennedy. On embrasse bien sûr le roi Soleil. Enfin, parfois, c'est tout l'inverse, c'est la fiction qui s'invite dans la réalité. Voilà, c'est fait, Emmanuel Macron, donc, s'est fait manger hier soir par Bachar el-Assad au large des côtes de la Libye. Et Benjamin Maréchal vous donne la parole, c'est vous qui le disiez. Éric, je vous pose la question, donc sans détour, êtes-vous pour ou contre l'interdiction du burkini dans nos cantines ? Eh bien, je suis contre, Benjamin, je suis contre. Vous êtes donc contre le burkini, Éric, c'est bien ça que vous me dites ? Non, Benjamin, je suis contre l'interdiction du burkini, je suis donc pour le burkini. Éric, je vais vous poser la question autrement afin de bien vous comprendre. Êtes-vous pour ou contre le burkini, oui ou non ? Non. Vous êtes donc contre, Éric ? Non, je suis pour, donc oui. Non, vous êtes pour ou oui, vous êtes contre ? Oh là là, ouf, je suis pour. Je vais résumer votre point de vue, Éric, vous me dites si je me trompe à la question. Êtes-vous pour ou contre le burkini, oui ou non ? Vous me dites non, vous êtes pour, vous êtes donc contre le burkini et vous trouvez qu'il y a trop de musulmans dans nos cantines. C'est bien ça que vous me dites, Éric ? Mais non, pas du tout. Absolument merci, pas, oui. Merci Éric pour votre témoignage, nous avons bien compris. Et ce vieux Grigou de Raymond, qui n'est pas un béni oui-oui, a trouvé la vengeance imparable. Il vole la plaque de Fernand et il va la reporter à la DIP. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Hier soir, la Belgique a perdu son premier match sous les ordres du nouveau coach Roberto Martinez. Les mauvaises langues diront que les Espagnols ont joué avec les Coronés et les Diables avec la Corona. Ah ouais. Bref, en Belgique, le football, c'est comme le TTIP. Hein. Mieux vaut arrêter avant bien de faire plus de dégâts. Et c'est Marc Wilmots qui a sélectionné bien vos chroniqueurs du jour avec une émission écourtée jusqu'à 17h. Édition spéciale soir première avec Arnaud Roysen autour de la fermeture de Caterpillar sur le site de Gosley. Et nous sommes presque sérieux, je le disais, avec notre joyeux Dri qui vous accompagne ici en direct depuis le Parc Royal pour cette 7e édition de la fête de la bande dessinée. Pour lui, c'est encore plus facile de jongler avec les règles grammaticales du sanskrit qu'avec bien un bête ballon. Oui, c'est Manu dit Pietro Carré. Pietro Carré. Vous l'avez Pietro Carré. Bien bossé celle-là. Pietro Carré. C'est pas mal ça. Content d'être venu. Tiens, il nous l'a promis, il a un élément qui peut être en pointe, un vrai numéro 9 qui fait mouche à tous les coups. C'est Gilles Dalle. Bonjour Gilles Dalle. Quelle nouvelle Wendy. Ben, écoutez, ravi de vous avoir avec nous. L'avantage quand on détourne l'actualité plutôt que les ballons, bien, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des gants pour être courtois. Il vous accompagne également en ce vendredi. C'est Fred Dubus. Bonjour Fred. Ben, je suis très content de venir ici pour faire des goals. Merci Fred Dubus. Tiens, lui, c'était un inconditionnel de Pelé, de steak Pelé bien entendu, un amateur de food hein, devant l'éternel, c'est Raoul Reyers. Bonjour Raoul. C'est vrai que j'avais préféré la viande au match. C'est vrai, c'est mieux, c'est plus tendre. Tiens, lui il n'hésite jamais à jouer les coups francs quitte à ce que ça se termine dans le mur. C'est Vincent Flibustier qui est toujours coincé dans le métro donc apparemment. Mais il est suspendu, oui. Il y a deux matchs de suspension. Elle, c'est notre Thierry Henry Hanau, notre T3, notre assistante Ajar Boulèche, qu'on salue, qui a préparé cette émission pour vous. Et puis en foot comme en radio, le réalisateur, c'est lui qui termine en beauté le travail de toute une équipe. Et aujourd'hui, il joue au pluriel, oui, il au pluriel, il joue au Real de Walid. C'est un peu comme le Real de Madrid, sauf que c'est en radio. Voilà, les gens à la réalisation, Laurent Nélissen, Carmelo Doro, Jean-Christophe Zirpol, Quentin Mineur. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rions. Ravi de vous accueillir ici en plein parc Royal, en direct sur la première. Il y a du monde. Pour un nouveau numéro de C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Nous sommes en direct et nous vous proposons... On a une fan qui va nous parler, oui. Bonjour oui. Madame. Bonjour madame. Madame dit qu'elle nous voit et qu'à d'habitude elle nous écoute. Parlez devant le micro. Vous êtes en direct. Je dis que finalement je vous vois. Je vous écoute tous les jours, mais je vous vois. Ah bah voilà. Ça nous fait plaisir. C'est comment votre prénom? Joe. Vous pouvez même nous toucher. Alors, Joe, on va vous offrir une clé USB. Comme ça. Voilà, comme ça. Si vous êtes venu comme ça par... Vous avez bien fait de venir. Voilà, vous avez bien fait de venir. Voilà, une clé USB, vous allez pouvoir... C'est lui. N'ayez pas peur, je ne mords pas. En tout cas, aujourd'hui, durant une heure, car l'émission sera écourtée, pour revenir bien entendu autour de cette actualité, triste actualité, fermeture de Caterpillar sur le site de Gosselies. On interviewera quelqu'un aujourd'hui, l'auteur des aventures de Scratch et Scratch. C'est qui, Gildal? C'est Morbut. Morbut, qui sera avec nous. Quatre mères des larmes, c'est au menu également de cette heure. Et puis, on parlera eh bien, d'une déclaration politique, déclaration d'un ministre qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il encore? Attendez, ça va me revenir. C'est le ministre président de la région bruxelloise. Oh là Rudy Verveur. Verdomen. Verveur. Ah, Verveur, oui, c'est ça. Je croyais que c'était Verduft. Et puis, on vous offre des cadeaux, une clé USB, un chargeur portable, une tasse et un stylo bio couleur de la première pour venir jouer avec nous. Qui a dit, on tirera au sort et on ira sélectionner quelqu'un qui se promène ici en direct de cette fête de la bande dessinée ici au Parc Royal. Et bien, pour jouer avec nous, qui a dit, je vous le donne, qui aurait pu dire, je suis de tout cœur avec eux. Ha ha ha, ils sont beaucoup à l'avoir dit cette phrase. Mais qui aurait pu la prononcer aujourd'hui dans la presse du jour? Eh bien, ce sera à l'un ou l'une d'entre vous qui sera tiré au sort de le déterminer parmi les propositions que nous vous ferons. En attendant, voici la une du jour. Et en musique, pour terminer la semaine, je rappelle d'ailleurs que nous serons encore ici dimanche entre 16h et 17h30. D'ici là, tendez l'oreille et écoutez ces deux morceaux. Tentez également de les rattacher à une actualité. Je suis né négatif. C'est le bruit qui pique, pique au moustique. Balade, noubi, débat. Benjamin Biolay avec Négatif et de l'autre côté Richard Gottener, hein, le moustique. Alors Benjamin Biolay, Négatif. Il est question de Négatif. De test sanguin? De test sanguin, non, absolument pas. Il a travaillé chez Caterpillar, lui, ou... Non. Alors, il est question de Négatif. Est-ce que vous avez lu une info en rapport avec le Négatif? C'est vaste. C'est trop vaste. Négatif en rapport avec l'argent. 7% des infos ont un rapport avec quelque chose de négatif. C'est pas faux, Fred Dubus. C'est, ben oui. Sauf que là, c'est censé être vrai. Presque tout le monde est concerné. Alors, des taux négatifs. Des taux négatifs, effectivement. Ah, oui. Alors qu'un moine Shaolin vient de prendre position ici avec nous. Regardez, c'est Krilin. Je sais pas si vous vous souvenez de Dragon Ball Z, mais c'est Krilin qui est avec nous. Krilin, il mourrait tout le temps. Moi, je suis pas loin de mourir là. Bonjour tout le monde. Vincent Flibustier. Et donc, effectivement, c'est les taux négatifs pour se tirer de la crise bancaire de 2008. Bien, la BCE a recouru à des voies inexplorées un taux négatif pour les fonds déposés par les banques auprès d'elle et des achats massifs d'obligations. Mais ça ne va pas sans risque puisque beaucoup s'attendent à un nouveau crash boursier, nouveau crash des banques, nouveau crash de cours. Donc on l'attend avec impatience. Le bord de gouffre, comme dirait Suarez. Le jour où je retire tout mon pécule de ma banque quand ils auront fait des taux négatifs, ça va être le crash boursier. On est quasi au taux négatif. Nous serons deux. Il y a un septante et des poussières. En Allemagne, c'est déjà. On attend ça avec impatience. Et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de portefeuilles. En attendant, deuxième extrait, Richard Gottener en ce vendredi, le moustique. Le Zika. encore. Ah, la danse de l'été. C'est effectivement. Le retour aux USA. Alors, il reste une belle chorégraphie. C'est vrai qu'on pourrait faire pour cet hiver la Zika Dance. C'est comme le zouk. Mais on en meurt. En fait, la chorégraphie, c'est simple. Vous bougez les mains et hop, vous tapez les pieds. Vous souvenez de cette pub pour Bégon? Zika, ça, c'est exactement la même. Et on meurt dans d'atroces souffrances. Effectivement, Zika, un tiers de l'humanité. 2,6 milliards de personnes, donc un tiers de l'humanité, vit dans des pays où le virus Zika pourrait encore se propager, en tête desquels l'Inde et la Chine, mais les également pays plusieurs plus pays d'Asie, du Sud-Ouest et du Sud-Est et d'Afrique, selon donc une étude publiée aujourd'hui. Donc 2,6 milliards de personnes qui vivent dans ces régions et qui... Et nous, qu'est-ce qu'on risque? Nous, on risque... On a de l'anti-moustique, nous. Nous, on a, voilà. On a déjà ça. Nous, on a déjà vous, Raoul. Parce que rien que pour... T'es un moustique avec vous, il se régale. Hein. Je veux dire... Hein, il meurt de diabète. Ah oui, c'est tout de suite, ça, c'est clair. Bon, je lui file tout en sucre. On continue à s'amuser autour de cette actualité depuis bien cette 7e édition de la fête de la bande dessinée, où il y a pas mal de choses hein, ce week-end, un week-end haut en couleur jusqu'au 4 septembre, où on célèbre la bande dessinée, le parc de Bruxelles, qui met ses beaux habits, qui sort ses beaux phylactères avec les musées des bandes dessinées, des dizaines de maisons d'édition, des expositions, des dédicaces, des marchands de BD, des conférences, des workshops et des centaines d'auteurs. N'hésitez pas à venir faire la fête avec nous, et une madame qui parle également au micro, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à venir dimanche, puisqu'on aura droit au traditionnel Balloons des Parades, le rallye Journal Tintin également, des visites guidées, des expos et des bandes dessinées. Bon, on va lui demander de faire une petite annonce tout à l'heure, tiens, on va lui demander de faire quelque chose. En tout cas, merci à vous d'être presque sérieux, et dans la suite, avant de tirer quelqu'un en sort qui repartira avec une clé USB, un chargeur portable et une tasse et un stylo bille, qui aurait pu dire je suis de tout cœur avec eux. Je crois qu'elle est en train de nous demander d'évacuer. Dites, Walid, vous êtes sûr qu'on n'est pas au Cora de Châtelineau? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous repartirez avec des cadeaux. Et lui, le cadeau qu'il nous fait, c'est de nous proposer une interview de Morbut. Morbut, tout à fait. Effectivement, l'auteur des aventures de Scratch et Scratch. Voici donc le dessinateur, l'auteur de bande dessinée qu'on aime, Grand Prix du Festival d'Angoulême. Vous avez présidé le festival en 2003. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Bonjour, c'est Béa Ercolini, rédactrice en chef de Elle Belgique. Le spécial mode est sorti, avec les adresses belges et tous ces petits détails qui permettent d'actualiser sa garde-robe sans couler son budget. Et pour commencer, on a réduit le prix du magazine. Ok, il n'y a pas que la mode dans la vie. Elle Belgique, c'est un regard féminin et décalé sur l'actualité. Elle Belgique, très elle, très belge. Très mode aussi. La première. Mobile Info. Vous êtes certainement dans votre voiture, vous souhaitez nous rejoindre pour cette édition 2016, 7e fête de la bande dessinée ici au Parc Royal de Bruxelles. Eh bien, est-ce que ça roule? C'est la question qu'on pose sans plus attendre à Marjorie Bilot. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Walid. Eh bien, justement, sur le ring de Bruxelles, on perd une demi-heure de Zaventem à Wemel vers Grand Bigard en circulation extérieure et dans l'autre sens en circulation intérieure. Patience entre Zaventem et Tervuren, où là aussi on va ajouter 20 à 30 minutes vers Waterloo. À Bruxelles-Centre, il y a des fils du tunnel Trône au tunnel Léopold II vers la Basilique. Et puis du côté de l'E19 Bruxelles-Valenciennes, vous perdez un peu plus de 10 minutes suite aux travaux à Nîmes-et-Mézières vers la France. Et plus loin, pour aller vers la France, eh bien, ce sera 3,5 km de patience à la frontière française avec 20 minutes perdues sur l'E19 donc, qui vient de Mons. Une vingtaine de minutes aussi sur l'E17 qui vient de Gand vers Lille. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ravi de passer ce vendredi en cette fin d'après-midi sur la première et en direct depuis le Parc Royal de Bruxelles, ici où nous célébrons cette 7e édition de la fête de la bande dessinée. On attend plus de 100 000 personnes chaque année ici. Et l'un d'entre eux, en tout cas l'un de ses plus célèbres auteurs, est avec nous aujourd'hui, car mon cher Gilles, Festival de la BD oblige, nous recevons le célèbre auteur Morbute pour parler avec lui de son actualité récente. C'est fin. Écoutez, chers auditeurs, fête de la BD oblige, je reçois aujourd'hui dans nos studios de la RTBF, téléporté pour l'occasion au Parc Royal de Bruxelles. Notons au passage que, Dieu merci, le Metz n'a pas été téléporté dans la foulée. Ceci était un petit Metz bashing de bon aloi. Je reçois, disais-je, le célèbre dessinateur Morbute, de son vrai nom Maurice Butemans, mais qui, comme à peu près 97 dessinateurs sur 100, a eu l'idée ô combien originale et savoureuse de contracter la première syllabe de son prénom avec celle de son nom de famille pour en faire un sobriquet un peu gag. Ah, donc vous avez compris, Maurice Butemans, mort but. Donc si par exemple Raoul Reyer s'était devenu dessinateur de BD, ben il se serait fait appeler Rarou. Enfin bref, alors mort but, je me tourne à présent vers vous, le grand public vous connaît. Ouais. Enfin ceux qui vous connaissent ont à l'esprit votre fameuse série, hein, évidemment, dont le nom m'échappe tout à fait momentanément, mais ça va me revenir, ou pas. Il s'agit de, bon ben ça me revient pas, mais vous allez nous le rappeler si vous le voulez bien. Vous rappelez quoi ? Ça commence bien. Même le gars que j'interviewe ne m'écoute pas. C'est vous dire mon charisme. Bah, votre série, le nom de votre série. Ah, le nom de ma série. C'est oui. Les aventures de Marley, enfin. Oui, oui. Je ne me souviens plus. Enfin, c'est votre série. Je sais, mais je ne retiens pas les noms. C'est con, hein, parce que je l'ai sur le bout de la langue. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ma fiche. Il s'agit des aventures de Scratch et Scratch, deux adorables petits écureuils à qui il arrive quantité d'histoires croquignolettes. Alors Morbute, vous êtes présent aujourd'hui au Festival de la BD car les instances de l'événement ont décidé de vous attribuer le grand crayon d'or tout doré pour l'ensemble de votre œuvre. Oui. Une question toute simple mais qui me brûle les lèvres quand même. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis content. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non. Content parce que c'est une forme de reconnaissance ? Non, content pour l'argent que ça me rapporte. Ah, mais donc c'est une coquette somme quand même. Bah, pas terrible, mais disons que c'est mieux que rien, hein, et que j'ai beaucoup de frais pour le moment. Hein. J'ai un gros problème de toiture, hein, cet été, et sans compter les taches d'humidité sur les murs de ma cuisine. Voilà, mais revenons-en, si vous voulez bien, plutôt à votre œuvre, hein, qui vous vaut aujourd'hui cette marque de reconnaissance prestigieuse. Alors, une question toute simple, mais qui me brûle encore plus les lèvres. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes désireux de se lancer dans la carrière d'auteur BD aujourd'hui ? Ben, je n'ai rien à leur conseiller. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Non, ça d'accord. Mais si jamais un jeune venait vous demander quelques conseils pour se lancer dans la carrière d'auteur BD aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondriez ? Que je n'ai rien à lui conseiller, qu'il fait ce qu'il veut. S'il insistait ? Ben, je lui dirais de dégager, c'est de m'importuner. Bien, alors une dernière question toute simple, mais qui me brûle encore et encore les lèvres. Tu sais, j'ai les lèvres en feu. Est-ce que vous faites d'abord les dessins, puis vous rajoutez les textes après ? Ou alors est-ce que c'est l'inverse ? L'inverse de quoi ? Ben, l'inverse de la première option, celle où vous feriez d'abord les dessins et puis vous rajouteriez les textes après. Je ne comprends pas la question. C'est simple. Est-ce que vous dessinez avant d'avoir eu les textes ou après ? Quels textes ? Les textes qui vont avec vos dessins. Qui vont avec mes dessins ? Comment ? Qui vont où ? Sur la planche. Sur quelle planche ? Sur la planche que vous dessinez. Mais je ne dessine pas de planche, là, puisque je parle avec vous. Bon, enfin, voilà, Walid, je vous retrouve dimanche pour une autre interview de haut vol, car je sais que c'est ça que vous attendez de moi. Merci, Gilda. Avec grand plaisir. Remercie, bien entendu, Morbute. Hein. Quelqu'un que je connais. Ouais, mais bon. Morbute. Bon, en attendant, on jouera une fois de plus avec l'actualité de ce vendredi avec une phrase extraite d'un quotidien qui aurait pu dire « Je suis de tout cœur avec eux ». Ce sera l'un ou l'une d'entre vous ici, présente au Parc Royal de Bruxelles à l'occasion de cette 7e fête de la bande dessinée que nous couvrons avec la première, avec des rendez-vous tout ce week-end. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Pour vous, une clé USB, un chargeur portable et une tasse et un stylo bi. On s'intéresse à l'actualité avant de s'informer à 16h30 avec les infos de Raoul Reyers. Mais juste avant, petit souvenir de 1992. C'est signé Stéréo M6. Voici Connected sur la première. 1992, signé Stereo M6 sur la première Connected. Hey, Raoul, ça fait du bien. Restez branchés sur la première. Dans un instant, on s'informe à 16h30. On jouera également au Qui a dit. Mais auparavant, avant Raoul Reyers, vous avez sélectionné pour nous quelques articles insolites. De bon aloi. Mais dites-nous tout. Bah, vous aussi, vous avez sans doute envie de pouvoir un peu discuter avec vos gosses à table, hein, alors qu'ils sont tous sur leur téléphone. C'est vrai. Et du style, alors bien ta journée? Oui. Tu donneras ton linge à maman? Oui. Tu sais parfois dire autre chose que oui? Oui. Et c'est là que vous sortez votre poivrier à cœur. C'est quoi ça? Un poivrier qui non seulement moule le poivre, oui, mais peut couper le wifi de la maison pendant 30 minutes. C'est beau ça. C'est génial, quoi. Formidable. C'est Dolmio qui fait ça et je pense que c'est toujours en crowdfunding. Un très très beau cadeau pour les fêtes de Noël. Ah oui, c'est très bien ça. Mais pourquoi et les ados, vous êtes cuits. Ah ouais, là, c'est bien. Parce que comme c'est à table, il suffit même pas de se lever, hop hop, un peu de poivre dans la soupe. Le jeune ne se doute pas que ça vient de là s'il est pas au courant. Il dit c'est un truc qui est dans la cuisine. Maintenant il le sait en tout cas. Maintenant il le sait, c'est clair. Bon, une autre info Raoul. On reste chez les jeunes. Allez-y. Allez, un jeune a été interpellé avec 24 grammes de cannabis dans son slip. Mais il nie que ce qu'en est le propriétaire. Du slip ou du cannabis? Non, c'est pas moi quoi. C'est quelqu'un qui m'aura fait une blague. Quoi, dans votre slip? Ben, quoi, peut-être pendant que je dormais, ou alors j'ai changé de slip ce matin et j'ai pas vérifié si on m'avait fait une blague ou pas. Ah oui, c'est comme ça. Eh ben, 10 mois de prison pour apprendre à surveiller ton slip. C'est ça qu'ils l'ont pris? C'est vrai, en plus. C'est ça qu'il a pris. 10 mois de prison. Pour apprendre à surveiller son slip. Le juge trouvait qu'il se moquait un peu. Eh ben, c'est pas mal. Et on va continuer à s'intéresser, à se moquer de l'actualité, en tout cas avec toute la dérision, toute l'auto-dérision également que vous nous connaissez. Nous sommes presque sérieux sur la première. Et on s'informe à 16h30, toujours également au Qui a dit dans un instant, qui aurait pu dire je suis de tout cœur avec eux. Eh bien, là où l'une d'entre vous, ici présent, à la fête de la bande dessinée dans le parc royal de Bruxelles, bien repartira s'il nous trouve la bonne réponse avec une clé USB, un chargeur portable, une tasse et un stylo bi aux couleurs de la première. On s'informe tout de suite, ne bougez pas. Ça se passe sur la première. Demain à midi, Transversale avec Olivier Nederland. À quelques jours du 11 septembre, Transversale se penche cette semaine sur les questions d'intégration et d'identité, à travers un témoignage en particulier, celui de Mourad Benchelali, le Français de Guantanamo, enfermé 2 ans dans cette prison américaine. L'immigration, les banlieues, l'intégration, Mourad Benchelali sera le témoin fil rouge de ce numéro spécial. Transversale, de midi à 13h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. La j'aime tout ce qui est cuisiné au four parce que c'est assez facile à préparer. Alors vous ne trouverez pas mieux que notre super poulet à rôtir, un petit. Oh oui, du sel, du poivre et hop, au four. C'est tellement facile et c'est toujours un succès. Oui, vous êtes sûr de ne pas faire un four? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre super poulet à rôtir est à seulement 2,25€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La première vous invite à l'avant-première d'Éternité. Une magnifique fresque familiale du réalisateur de L'Odeur de la papaye verte avec Audrey Tautou, Bérénice Bégeot et Mélanie Laurent. Pour y assister le 12 septembre en présence du réalisateur, 0905 56 471, 50 cents par appel. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zettmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Info ticket 04 224 x 0 ou opérl.be avec la première. Mélangez un zeste de terre, un poil de brique, une pincée de ciment et abracadabra. Votre argent rapporte plus que votre compte d'épargne. Ou pas? L'immobilier est-il la potion magique pour vos investissements? Découvrez comment mieux investir grâce au guide immobilier ce samedi gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. La première. 16h30. Votre journal, Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonsoir. Le désarroi des travailleurs de Caterpillar Gosselies ce matin, après l'annonce de la fermeture de ce site qui fabrique des engins de chantier. 2200 personnes perdent leur emploi, sans compter les répercussions sur les sous-traitants, ceux qui travaillent avec, comme client principal, Caterpillar. 6000 emplois seraient menacés ainsi. Nous y reviendrons largement dans une émission spéciale dès 17h sur la première. Retour aussi sur ces deux réunions de la journée, l'une entre les ministres régionaux et fédéraux avec les syndicats sur cette situation, l'autre ensuite, toujours avec les ministres, mais cette fois en compagnie de la direction du groupe Caterpillar. Nous nous poserons aussi cette question: pourquoi fermer Gosselies? La raison principale évoquée par la direction, le coût de fonctionnement et les investissements trop chers chez nous, des activités qui seront dès lors délocalisés dans d'autres pays comme la France, mais aussi hors d'Europe, Japon, Chine, États-Unis. La procédure Renault est enclenchée, les syndicats vont donc commencer à négocier pour les travailleurs. On va en parler dans cette émission spéciale dès 17h sur la première. Belle soirée avec nous. Et je vous laisse avec Walid. Merci Pierre-Yves, retour d'information. Mais il n'y a pas de souci, on va faire le petit jingle nous-mêmes, il n'y a pas de souci. Vous l'avez compris, on se retrouve tout à l'heure, en tout cas pour l'info, vous l'avez dit. Édition spéciale, soir première avec Arnaud Roysen à 17h. C'est presque sérieux sur la première. En attendant, effectivement, nous sommes presque sérieux en direct du Parc Royal à Bruxelles. Vous êtes fan de bande dessinée, vous aimez lire, vous aimez les phylactères, vous aimez rencontrer vos auteurs préférés, vos dessinateurs préférés. Vous aimez les vrais personnages mal déguisés qui se promènent dans les... Arrêtez. Oui, moi, un Yakari de 2 mètres. Arrêtez. J'ai vu le vrai Yakari, donc moi, ressemble à ça. Moi, j'ai vu le Grand Schtroumpf. Ah oui, voilà. Moi, je peux vous dire, je peux donner un scoop sur le Grand Schtroumpf, c'est une fille à l'intérieur. Elle était à l'entrée et elle s'est vantée parce qu'elle mourait de chaud là. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas de vrai personnage iconique, Frédéric Dubus. Voilà. Votre personnage, c'est le roi. En attendant, il est juste à côté, le roi. En attendant, intéressons-nous à l'actualité de ce vendredi 2 septembre avec bien quelqu'un. Regardez, qui se promène ici. Regardez, on a le grand Schtroumpf. Bonjour. Il est avec nous. Bonjour, grand Schtroumpf. C'est pas sympa, Frédéric Dubus. Alors, on va demander à Romain qui est avec nous. Romain, bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, alors, ça vous va. Venez de Tournai. Ouais. Vous êtes... alors, sur la première, on dit oui, en fait. Ah, on dit oui. D'accord. À Tournai, on dit ouais. Ah, ok, c'est vrai. Vous venez de Tournai, la ville de Rudy. Est-ce qu'on a le poivrier pour couper le Rudy le wifi de, Rudy de Motte. Et puis, nous allons jouer avec vous, justement, avec l'actualité de ce 2 septembre. Une phrase et des propositions que nous allons vous faire. Qui aurait pu dire « Je suis de tout cœur avec eux » ? On va demander à Fred Dubus. Il s'agit de Roberto Martinez, qui parlait des Diables Rouges après leur brillante défaite d'hier soir. Roberto Martinez pour Fred Dubus. Gilles Dalle. Il s'agit de Pascal Smet, en faisant allusion aux automobilistes bruxellois qui hier ont pu se délecter à nouveau après 2 mois d'absence des légendaires embouteillages au sein des 19 communes. Je suis de tout cœur avec eux, Manu Di Pietro. Phrase tronquée, je suis de tout cœur avec eux, mais qu'ils se dépêchent, j'ai déjà perdu beaucoup de sang. C'est évidemment Elio Di Rupo. Elio Di Rupo pour Manu Di Pietro. Sagne. On va demander à Raoul Reyers. Mais non, c'est Marc Wilmots qui a dit cela avant le match d'hier, qui paraît-il n'était pas terrible. Mais ah, moi j'avais poney, j'ai pas pu regarder. 0-2. Pauvre poney. Ah, 0-2. Oui. Imaginez Raoul Reyers sur un poney. On se demande si c'est pas le poney qui est monté sur Raoul. Le poney a dégusté. sexuelle, la maltraitance. C'est lui a cassé le bassin. Et enfin, Vincent Flibustier. Qui a dit « Je suis de tout cœur avec eux » ? Eh bien, c'est Jean-Michel, je n'ai rien préparé parce que mon métro était à l'arrêt et que je suis venu à vélo et que je suis crevé. Il est de retour. Vous connaissez Jean-Michel, je vais pas vous payer. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Jean-Michel, je n'ai rien préparé. Mon cher Romain. C'est moi. Qui aurait pu dire « Je suis de tout cœur avec eux » ? Je vous rappelle les propositions et on procède par élimination. Roberto Martinez, Pascal Smet, Elio Di Rupo, Marc Wilmots, ou Jean-Michel, je n'ai rien préparé. Je pencherai pour Marc Wilmots. Pencher pour Marc Wilmots. Oui. Pensez que Marc Wilmots porte chance pour le moment. On a dit qu'on éliminait d'abord les gens. Ouais, non. Il élimine Marc Wilmots. Alors, vous éliminez Marc Wilmots. Oui, voilà, on va faire comme ça. Voilà, vous éliminez Marc Wilmots. C'est gentil, ça. C'est sympa. Alors, il nous reste Roberto Martinez, Pascal Smet, Elio Di Rupo ou Jean-Marie, je n'ai rien préparé. La première, c'était quoi ? Martinez, Roberto de son prénom. Et la dernière. L'entraîneur, le nouvel entraîneur. Qui souhaitez-vous éliminer ? Ah, la dernière, j'ai éliminé. La dernière, vous éliminez, Jean-Marie, je n'ai rien préparé. Vous êtes sûr ? Tiens. Ouais, sûr. Bah écoutez, c'est une bizarre. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, c'est cool. Il nous en reste trois et une phrase. Je suis de tout cœur avec eux. Romain de Tournai, ici, en plein cœur de la capitale. En plein cœur du Parc Royal de Bruxelles. Roberto Martinez, Pascal Smet, Elio Di Rupo. Et cette fois-ci, il faut donner la bonne réponse. C'était la première option, je crois. Ouais. Pensez à Roberto Martinez, vous êtes très foot, vous. Hein. Pas du tout. Un peu trop. Absolument pas fou. C'est perdu. Ouais, c'est Elio Di Rupo qui aurait pu dire ça. Ah ouais ? Enfin, qui a dit ça ? Oui. Qui a dit ça ? Il a tweeté. Elio Di Rupo, dès qu'il y a le mot cœur, c'est Elio Di Rupo. Ah ok, d'accord. Enfin, dès qu'il y a le mot cœur, c'est Elio. J'ai le cœur qui saigne, j'ai le cœur qui bat la chamade, de tout cœur avec vous. Tu as pris le retour du cœur. Voilà. Le retour du cœur. Qu'est-ce qu'on a encore avec les cœurs de l'armée rouge ? Voilà. Ah, c'est lui aussi. Heureusement qu'il y a le cœur. Voilà, c'est au tour effectivement de cette annonce sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure à 17h avec Arnaud Roussen. Par le président de la VGTB également, Eno Namur, de la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. Les réactions sont multipliées sur les réseaux sociaux. Certains politiques représentants, syndicaux ou entrepreneurs se sont montrés particulièrement amers. C'est le cas, on le disait, d'Elio Di Rupo qui a dit « La fermeture de Caterpillar est une catastrophe absolue. Il faut tout faire pour soutenir les travailleurs. Je suis de tout cœur avec eux. » Zakia Katabi qui dit « Chronique d'un modèle économique qui épuise et exploite, puis qui jette. Solidarité avec les travailleurs. » Et d'autres encore que vous pouvez suivre sur Twitter. En attendant, Romain, c'est perdu, mais vous n'avez pas tout perdu puisque dans cette émission, tout le monde gagne. Merci beaucoup. Voilà, maintenant vous saurez que c'est Elio Di Rupo qui a dit « Je suis de tout cœur avec vous ». Bah oui, j'ai préparé le festival et j'ai pas eu le temps de suivre l'actualité. Eh bien écoutez, profitez de ce festival, on vous offre une clé USB, un chargeur portable, une tasse et un stylo-bi. Et s'il avait gagné, il aurait eu quoi ? La même chose. La même chose. Merci Fred Dubis et merci mon cher Romain, restez presque sérieux, surtout fidèle à la première. Bon, dans la suite, avant d'écouter Manu Di Pietro, avant l'agence de Presque, eh bien on va écouter notre cher Fred Dubus. Fred Dubus, vous revenez sur une déclaration dans le journal du jour, oui, dans les quotidiens. Je voulais faire le dessin que vous avez loupé. Ouais, c'est ça. Bon, ça aurait pu être sur Caterpillar, mais ça, vous l'aurez demain, donc il ne sera pas loupé. Ça aurait pu être la rentrée du gouvernement bruxellois. Mmh. Ah, il est rentré. Oui, il est rentré. Il est rentré aujourd'hui. Le Parlement bruxellois rentre dans 15 jours seulement. Ouais. Hein, oui. C'est quand même très... Voilà. Donc Bruxelles a quand même bien morflé cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on attendait la rentrée du gouvernement. Et avec toutes ces déclarations un peu fortes sur le terrorisme, l'emploi, le trafic, tout ça. Et on a tous entendu cette intervention, enfin, attaque, de Rudy Vervaux. Attaque, oui, oui. Vous l'avez pas entendu ? Si. Non ? Ben non. Parce qu'il n'y en a pas eu. Il a fait une déclaration. Il a parlé du pacte d'excellence. Il n'a pas fait du tout de déclaration. Il a fait une interview de 3 colonnes dans la Libre Belgique de ce matin. Et je vais vous en livrer 3 extraits. Dites-nous. C'est absolument merveilleux. On lui pose la question. Cette année, l'écrasante majorité des élèves sans école sont bruxellois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais nous allons agir. Nous avons identifié une école qui a une mauvaise image et nous allons travailler dessus. Voilà, donc ça fait 10 ans que ça dure, ils ont identifié une école. Voilà, alors, disposez-vous désormais d'une vision claire sur l'état des tunnels bruxellois ? Oui. Pour Léopold II, l'objectif est un démarrage du chantier fin 2017. Il y a déjà une date. Les tunnels ont-ils encore un avenir ? Pas pour votre ministre Pascal Smet. Ça dépend lesquels ? Voilà, c'est sa réponse. Et sur la fiscalité automobile ? Pas sous cette législature, car côté wallon, on ne veut pas en discuter. Ah. Voilà, ça c'est réglé. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Voilà, et donc il y a un petit. Pour le terrorisme, où en est votre politique de déradicalisation ? on a engagé un référent radicalisme. C'est ça. Voilà. Un référent radicalisme. Attention, attention. Élaborons un plan régional de prévention et de sécurité pour 2017. Voilà, c'était la déclaration de l'homme au charisme de Dans trois mois, on est sauvés. Et c'est donc le dessin que vous aurez presque fait pour nous. Oui, mais c'est pas la peine, il l'a fait moi-même. Du jour, c'est signé Fred Dubus. Avant d'écouter Manu Di Pietro, agence de presse, oui, l'info autrement. Attention, tout ce que vous allez entendre maintenant est complètement faux. C'est faux. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Fin d'une imposture politique. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, tous les trois reprennent le chemin de l'école avec un canard enchaîné ce matin. Comment dire ? Il y a de quoi se décourager. Et puis en Corée du Nord, on apprend ce matin que le ministre de l'Éducation, Donald Trump, aurait pioché dans les caisses des mosquées, notamment pour payer son divorce avec sa voisine, vous le savez, Dilma Rousseff. François Hollande, trop vieux, trop mou, trop autoritaire, plus déjanté que jamais, plus rock que tout. Imbécile et stupide, ce sont ses mots. Et derrière, pour exister, il montre les muscles. Difficile à croire, Nicolas Sarkozy aurait trouvé un nouveau papa, Farid, 44 ans, pour être libre, dit-il, et pour se consacrer à son film de mafia, tiré d'une histoire vraie, avec les Américains. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Complètement improbable, ces informations. Non. Monsieur, si, mais ça nous, ça nous sort d'une actualité. Et la première était vraie. On nous plonge dans une autre info. Bon, en attendant, si on s'intéressait, entre autres, à Jean Quatremer avec Manu Di Pietro. Tu sais quoi ? Oui. Non. On le fera payer lors des industrialisations de la Wallonie. Oui, Fernand. On le fera payer lors des industrialisations de la Wallonie. Oui, Fernand. Jean Quatremer de Libération nous cherche encore des poux, cette fois-ci dans les voiles des femmes qu'il va aller chercher. C'est usant, ouais, mais heureusement, c'est la fête à Charleroi ce week-end, n'est-ce pas, mon cher Manu Di Pietro ? Mais oui, mes chers Jean, que je suis heureux avec vous dans ce parc magnifique de Bruxelles pour cet événement prestigieux à 1,5 km de la Grand Place à vol d'oiseau. Oula, 1,5 km, ça veut dire que toutes les femmes sont voilées ici. Parce que selon le VIF et Jean Quatremer, à 200 mètres de la Grand Place, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, selon sa nouvelle géographie, on n'est même plus en Arabie Saoudite. Ici, on est carrément au fin fond des montagnes du Pakistan. Bienvenue dans ces presque sérieux Islamabad. Alors, Abdelhakim Aldi Pietro, quelle nouvelle aujourd'hui ? Ah, mon cher Walid, je vais vous faire une petite chronique pas piquée des hannetons sur le prix des pois chiches. On va voir ce qu'on va voir. L'avantage avec vous, Walid, c'est qu'on n'est pas obligé de changer le prénom sur le Pakistan. Je savais que vous allez le dire. Et avec un chat, non plus. On ne dit pas piquer des hannetons, on ne dit pas piquer des chèvres. La chèvre est à la mode là-bas. Bref, il est quand même gonflé de parler de nos problèmes d'identité. Le mec, il s'appelle Quatremer. Franchement, s'il y en a un qui doit avoir des problèmes avec ses origines. Quatremer, il ne lui manque qu'une syllabe pour que l'on sache exactement ce que vaut la vie du plumitif français en mal d'amour. Un indice, la syllabe, c'est 2. Surtout qu'en France, chez lui, tout va très bien, tout le monde sait ça. Écoutez plutôt Nadine Morano ce matin sur BFM. Je suis favorable, et d'ailleurs il faut légiférer très vite, oui. Je suis favorable à l'interdiction du burkini, au port du tchador. Je suis favorable à la suspension des droits sociaux et des droits civiques pour toutes celles qui font preuve de récidive. Moi, je durcirai la loi. Et pour celles qui ne sont pas françaises, expulsion immédiate. Ouais, si elle bouge, on lui fracasse sa gueule de pas chrétienne avec nos bottes. Franchement, c'est certainement pas sur nos chaînes qu'on entendrait ça. Vous êtes musulmane ou pas ? Oui, je suis musulmane, oui. Ok, est-ce qu'on doit attendre quelque chose de vous ? Bon, là, j'exagère un petit peu, pour le coup. Il était plutôt sympa, mais ça pourrait encore changer. Heureusement qu'il reste des gens dans ce pays pour prouver à Quatremer que nous sommes ni sombres ni amorphes. Par exemple, Charleroi, la capitale du Pays Noir, fête ses 350 ans ce week-end. Et de quelle façon ? Elle va organiser la plus grande chenille musicale du monde. 2200 personnes enfilées à la queue leu-leu. Ça va s'appeler Caterpillar vous dit merci pour les intérêts notionnels. Approche tes mains à ma taille. Que la chenille déraille, tout ira bien et si tu veux. Oui, prie la chenille et le bon Dieu, voilà des paroles réconfortantes pour tous ses employés. Hein. Charleroi, ville où un maboule fait 2 blessés dans les locaux de la police, mais ce sont les Américains qui explosent la vie de 2000 familles. C'est sans doute ça qu'on appelle les dommages collatéraux. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Ainsi, on aurait flashé les frères Dardenne sur la E42 à hauteur de Namur, en direction de Charleroi. Ils cherchent déjà un nom pour le film qu'ils vont tirer de l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos propositions à l'adresse mail suivante, lucetjeanpierre@lesfilmsduchomage.wal. Ah, on aurait une réaction de notre Premier ministre. Jobs, Jobs et noch Jobs. Jobs et Noch. Ah oui. Jobs. Il radote encore et c'est en flamand. À mon avis, c'était pas destiné aux francophones. Ouais. Ah, merci Manu Di Pietro pour ce petit regard décalé sur l'actualité. Et à 200 mètres de la Grand Place, c'est l'Arabie Saoudite, disait Jean Quatremer. Faut savoir que bah, si c'est le cas, les mannequins peace doivent faire pipi du pétrole. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Parlement bruxellois est en Arabie Saoudite. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout est dans tout. C'est bien. C'est peut-être vrai, on ne le sait pas. La capitale de notre bon royaume est riche. Et dans la suite, eh bien, on sera riche avec une presque star qui est des nôtres. Oui, c'est une jeune demoiselle qui est avec nous. Vous la découvrirez dans un instant. Ce sera à vous de déterminer la raison pour laquelle on parle d'elle. Et puis, on s'intéressera aux histoires de Vincent Flibustier. C'est le programme de cette suite et fin de C'est Presque Sérieux. Puisque je vous rappelle qu'à 17h, émission spéciale, édition spéciale, soir première avec Arnaud Reussen autour de la fermeture de Caterpillar sur le site de Gosselies. Merci en tout cas à vous d'être à l'écoute de la première depuis le Parc Royal pour cette 7e édition de la fête de la bande dessinée. Oui, nous sommes presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. La première et tour des sites d'organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Vous avez manqué le match des Diables Rouges ? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Moi, j'aime bien faire de bons gratins de légumes. Alors, un bon gratin avec nos magnifiques choux-fleurs, vous m'en direz des nouvelles. Un petit. Manque, oui, monsieur Marc. D'ailleurs, gratiné ou pas, il est extra, notre chou-fleur. Mais rassurez-vous. Quoi ? Son prix, lui, n'est pas gratiné. Ah ouais ? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre excellent chou-fleur est à seulement 1,29€ la pièce. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La baisse de l'impôt des sociétés s'annonce comme la prochaine mesure phare du gouvernement. Objectif, mettre davantage sur un pied d'égalité grandes entreprises et PME. Mais il faudra trouver de l'argent ailleurs pour compenser le futur manque à gagner pour le budget de l'État. Ce samedi 3 septembre, La Libre vous donne les clés pour comprendre les enjeux de cette importante réforme et vous dit qui devrait en sortir gagnant et perdant. La Libre, faisons vivre l'info. La première. Mobile Info. 46, on retrouve Marjorie Bilot. Marjorie, que se passe-t-il sur nos routes ? Eh bien, sur le ring, par exemple, il y a des ralentissements entre McAllen et Tervuren vers Waterloo. Vous perdez là un peu plus d'un quart d'heure. Dans l'autre sens, patience entre Zaventem et Vilvoorde, et puis de Strombeek à Gent vers Grand Bigard. Et sur le tronçon Zaventem-Grand Bigard, ajoutez plus ou moins une demi-heure. À Bruxelles-Centre, patience du tunnel Trône au Léopold II vers Kuckelberg et dans le tunnel Porte de Halle vers le midi. Et sur le 19, Bruxelles-Valenciennes, une dizaine de minutes sont à prévoir en plus à hauteur de Nîmes-Mézières vers la France et plus loin vous perdez un quart d'heure à la frontière française sur cette 19 Mons-Valenciennes. E411 National 4 A54. Vous avez le choix comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux sur la première. En direct du Parc Royal de Bruxelles pour faire la fête à la bande dessinée. Je rappelle que la première couvrira cet événement tout ce week-end. Nous serons de retour bien demain. Il y a notre cher Nicolas Beutars qui sera là entre 16h et 17h30. Et puis nous serons de retour dimanche entre 16h et 17h30 pour vous parler entre autres de bande dessinée, mais aussi et surtout de l'actualité. Et elle fait l'actualité aujourd'hui. C'est notre presque star du jour. Elle s'appelle Sylviane. Mais pourquoi on parle de Sylviane ? C'est elle qui fait le grand schtroumpf. Ah ben, vous avez également deux minutes pour me poser une série de questions. C'est pas elle. Je ne réponds que par oui ou par non. Ce n'est pas elle qui fait le grand schtroumpf, non. Parce qu'elle travaille dans le secteur de la BD. Elle travaille dans le secteur de la bande dessinée. Bah effectivement. On est trop fort. Mais là, pour le moment, vous êtes fort. Elle est dessinatrice. Elle est dessinatrice. Ah oui, elle est dessinatrice. C'est suffisamment rare. Tête de dessinatrice. Je le connais, moi. C'est vrai, une tête. C'est quoi la tête du dessinateur ou de la dessinatrice ? C'est les lunettes, les doigts sales pâles, le regard lubrique. J'allais dire le gros ventre, mais ça, elle n'a pas. Mais ça peut encore arriver. Et puis, elle a une autre particularité. Elle dessine avec les pieds. Non. Elle est francophone, mais d'ailleurs. Francophone, mais d'ailleurs, oui. Mais d'où ? De la belle province. C'est-à-dire Elle est québécoise. Bien sûr, effectivement, elle est québécoise. Je le savais. Bien joué. Les amis, vous la connaissez, elle s'appelle Sylviane Ménardi. Sylviane. Alors c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que les auteurs de bande dessinée choisissaient leur nom d'artiste, leur nom de scène en particulier, en rapport avec leur prénom. Sylviane, ça devient Sviane. Exactement. Ouais. Allez, ça te voilà, maintenant ça s'entend. Exactement. J'aurais dû parler avant, vous auriez devenu plus vieux. Non, mais quand vous avez ri, en fait, j'ai tout de suite entendu que vous y avez j'ai un fond. J'ai ri avec l'accent québécois. Avec l'accent. Alors, c'est vrai que le Québec est mis à l'honneur cette année, ici, à la fête de la bande dessinée, une dimension internationale de la bande dessinée qui s'affirme un peu plus à chaque édition. Après Taïwan et la Turquie, c'est donc au tour du Québec d'être mis à l'honneur. Et vous faites partie de cette délégation québécoise. Et vous êtes auteur de plusieurs livres. Oui, je suis auteur de plusieurs livres. Merci. Et on tient, j'ai mon sketch elle, pour dimanche. Elle non plus ne se rappelle plus de sa série. Il y a plusieurs bon albums. But, c'est vous. Alors, vous avez déjà reçu pas mal de prix. Apnée. Oui. Les deuxièmes, c'est bien ça. Tout à fait. Bien sûr. C'est bien ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas tous mes livres qui sont distribués en Europe. Donc, on commence peu à peu à envoyer mes livres en Europe depuis septembre. C'est tout nouveau. Il y a deux livres qui sont en tout cas à paraître cette année en Europe. Ouais. Ping Pong. Et les deuxièmes exactement. À découvrir donc aux éditions Powo, c'est ce que j'ai reçu ici et c'est très très très très sympa. En tout cas, Ping Pong, c'est un livre préfacé par Jean-Michel Seff. Voilà. Alors on ne sait même pas si elle dessine bien, puisque la couverture de Ping Pong, il n'y a pas de dessin dessus. Ah non, c'est que alors vous faites que du noir et blanc. Le mystère, monsieur. Sylviane, c'est mais bien ils ça. Ils n'ont pas la couleur au Québec. Disons que la couleur, c'est long un peu. Pourquoi? Pourquoi vous ne dessinez pas en couleur? Parce que c'est long, je te le dis. Mais pourquoi c'est long? Pourquoi c'est long? J'en pose la question. Pourquoi c'est long? C'est long. Ah, pourquoi c'est long? Ben, parce que ça prend du temps. en général, de toute façon, il y a des coloristes externes. C'est plus ouais, mais ben non. De toute façon, je ne ferai pas affaire avec un coloriste extérieur. J'aime trop faire tout le travail moi-même. Alors, ça raconte quoi, votre univers en général? Vous abordez quelle thématique? Quand ben, on voit ping-pong, ça parle de quoi? Le ping-pong, en fait, c'était un collectif. En fait, à la base, je l'ai fait en autopublication et sur le web. C'était une espèce d'essai sur la création artistique, un peu le processus artistique. D'ailleurs, comment on fait l'angoisse de la page comment blanche? Comment on fait une chanson? Comment on joue du piano? Comment on fait une BD? Comment on dessine? Comment on fait une émission radio? Comment on fait une émission radio, bah exactement? Ouais. Mais nous, on ne alors... le sait pas encore. Pour ou contre le noir et blanc. Oui, c'est ça. Et donc, ça raconte ce processus-là. Et les deuxièmes, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, ça? C'est une espèce d'histoire d'amour compliquée, disons. Tu sais, sur Facebook, on dit que c'est compliqué. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Relation complicated. Exact. Merci, en tout cas, ma chère Céline. Le regard pétillant et on va se faire nous un plaisir en tout cas de dévorer vos deux bandes dessinées qui arrivent donc, vos deux livres apparaissent cette année en Europe, Ping Pong et les deuxièmes à découvrir donc aux éditions Powwow. Vous étiez notre... Pow, édition Pow. Ah, Pow, ça veut dire quoi Pow? C'est le bruit d'un gun. Vous dites pas? En Europe, ce sera les éditions Pampan. C'est vrai que même au niveau des onomatopées, on n'est pas raccord avec le Québec. Ouais, hein. Exact. Donc, vous dites Pow Pow? Pow Pow, les éditions Pampan. Et nous on dit Pampan. Pampan, oui voilà. Chacun c'est son truc. Oui, c'est vrai, c'est ça aussi. En tout cas, merci Sylviane Ménardis-Viane, qui était notre presque star du jour. On mettra toutes les informations concernant vos ouvrages sur la page Facebook de notre émission It's Complicated Edit et sur le site de la première.be. En attendant, restez avec nous si vous le souhaitez, ma chère Sviane, puisque nous avons maintenant un homme qui tombe complètement barré. C'est celui qui est juste au bout là-bas. Il s'appelle Vincent Flibustier, qui raconte des histoires et l'une d'entre elles est vraie, donc l'autre est fausse et ce sera à nous de déterminer laquelle. C'est parti. Bonjour, messieurs Vincent. Alors que le monde se presse ici à la fête de la bande dessinée, 7e bande dessinée, 7e festival de la bande dessinée, Vincent, deux histoires, l'une d'entre elles est vraie, c'est parti. Ben oui, on le sait assez peu, mais un des premiers comics Superman, le 17e, avait pour thème Superman contre l'URSS. C'est d'ailleurs le premier Superman contre les communistes d'une très longue série. L'URSS était à l'époque représentée par la terrible organisation U. You dans la langue de Donald Trump. Le titre du comic c'était donc Superman versus You. Et le graphiste avait trouvé bien de barrer aussi le U de Superman, ce qui quand vous le lisez n'est pas du meilleur goût. C'est le cas de le dire. La première édition vaut aujourd'hui 150 000 $ aux enchères. Alors ça c'est une première histoire. Vous pouvez le dire sans le U. Walid. Non. On imagine déjà ce que ça Walid fait. Walid est un professionnel. Et la seconde histoire, alors que Daktari fait son entrée ici. Oui. C'est quoi, j'ai toujours confondu les deux. Il a arrêté sa carrière. Yakari et Daktari. Daktari, c'était bien. Oui, c'était bien. C'était pas un dessin animé. Alors, Vincent. Ben, on fête aujourd'hui quelque chose de très rigolo. C'était à 71 ans, le 2 septembre 1945. Le Japon signait sa capitulation. Le document faisait deux pages, une page de texte et une page de signature. La page de texte indique globalement qu'il se rende, qu'il se soumette à la coalition alliée, qu'il décidera de son sort futur, etc. Et sur sur la page de signature, juste à droite, on voit dans l'ordre la signature des généraux japonais, puis des Américains, Douglas MacArthur, puis les Anglais, l'URSS. Et puis vient la ligne du Canada, vous là-bas. Vous, regardez-moi dans les yeux, la ligne du Canada. Et le représentant du Canada doit signer sur sa ligne, sur son nom. C'est normal, c'est un papier, il y a son nom, sa ligne. Mais qu'il signe juste en dessous, à la place du français, le général Leclerc. Du coup, le français, il doit tout barrer et signer en bas, à la place du représentant du Royaume des Pays-Bas. Le représentant néerlandais, donc signé en bas, est barré, représentant de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc oui, à cause de vous, les Québécois, les Canadiens, le document qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, cette boucherie aux millions de morts, est pleine de ratures à cause des Canadiens qui se sont trompés de ligne. À cause du Canada, on serait peut-être encore en guerre aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas lire un document. Heureusement, les Japonais n'ont rien dit. Il faut dire qu'après avoir reçu deux bombes atomiques sur la gueule, on discute moins pour les détails de protocole. Alors, oh yes! Alors, c'est peut-être une histoire vraie, cette histoire du Québec et donc sur cette histoire de Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas confondre Canada et Québec. Effectivement, Canada. C'est pas la même chose. Comment on va, Justin? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Superman versus l'URSS ou le Japon. Roulement de tambour. Et avant le roulement de tambour, on fait un petit tour de table. La 2. La 2 pour Fred Dubus. Raoul, la première ou la seconde histoire? La deuxième, l'histoire japonaise. La 2 aussi. La 2, Manu Di Pietro. La première, j'aime beaucoup cette matière. Et Svian, vous pensez que c'est la première ou la seconde qui est vraie? La seconde. La seconde est vraie, Vincent Flibustier. Eh bien oui, le colonel Lawrence Moore Cosgrave, représentant du Canada qui avait perdu un œil lors de la guerre, a bien signé trop bas et donc provoqué plein de ratures sur la déclaration de capitulation du Japon. D'ailleurs, je l'ai programmé tout à l'heure avant de venir sur la page Facebook de l'émission. À l'instant, là maintenant, à 17h pile, les auditeurs pourront la voir. Et donc c'est vraiment drôle parce qu'ils ont dû réécrire tout à la main alors que c'est un document hyper important vu qu'en plus à l'époque on pouvait pas réimprimer en deux secondes et que c'était... Donc voilà, le document est plein de ratures et c'est assez étonnant et c'est à cause de vous les Canadiens. Ah, l'histoire s'en souviendra. Merci Vincent Flibustier. Et l'émission qui touche tout doucement à sa fin, c'est le presque mot de la fin. Cette conversation est terminée. Pour relater l'actualité, un mot que vous résumez autour d'une actualité, Raoul Reyers. Sens unique. C'est-à-dire? Sens unique parce que si vous voulez tourner autour de Halles Saint-Géry, il y a des travaux à la seule rue qui pouvaient vous permettre de sortir. Mm-hmm. Donc vous pouvez tourner en rond indéfiniment. Et si vous le faites, si vous prenez une des rues, vous prenez une amende. Eh ben dis donc, c'est sympa ça. Fred Dubus. Je n'aurai qu'un mot. Yakari. Ou Dakari. Yaka, bien ri. Ah, effectivement. Gilles Dalle. Moi, c'est Denis. Je voulais vite rendre un petit hommage à Pierre-Yves Jollet, le chef du groupe MR au Parlement wallon, oui, qui, pour magnifique. La première fois depuis le 1er septembre, c'est-à-dire depuis hier, a employé l'expression déni de démocratie en évoquant la répartition des sièges au sein de l'Assemblée. Et ça me manquait déjà. C'est beau. Manu Di Pietro. Anniversaire, aller à Charleroi, malgré tout. 350 ans. Beaucoup de belles activités ce week-end. Merci, Manu Di Pietro. Et enfin, Vincent Flibustier. Ben, 71 ans, comme je vous en parlais tout à l'heure, j'ai revu les photos de New York le jour de la capitulation japonaise et ça fait peur de voir fatalement tous les gens fêter avec joie deux bombes atomiques qui venaient de balancer sur la tronche des Japonais. Ah ben voilà, mais en tout cas, on va continuer à rire, à s'amuser, à venir faire la fête ici à la fête de la bande dessinée. On va remercier Svian qui était notre invité presque sérieuse. Merci Svian. Merci à vous. Et merci au Québec qui a mis l'honneur. On sera de retour ici dimanche entre 16h et 17h30. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à 17h avec l'information Arnaud Ressel. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer! Jaline! Ouais? C'est toi qui as débranché la prise du manège! Bah oui, pour recharger mon GSM! La batterie se décharge tout le temps! Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vous êtes prêts? Les pianos droits à queue et digitaux? Les pianos neufs et d'occasion? Les prises imbattables? Eh bien c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes! Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. Mélangez un zeste de terre, un poêle de briques, une pincée de ciment et abracadabra. Votre argent rapporte plus que votre compte d'épargne. Ou pas? L'immobilier est-il la potion magique pour vos investissements? Découvrez comment mieux investir grâce au guide immobilier ce samedi gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. Elle habite Paris. Elle habite Renouvelle. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. La soirée sera encore agréable. La nuit, les minima seront compris entre 14 et 16 degrés localement. Demain, on devrait retrouver un petit peu plus de nuages qu'aujourd'hui, en tout cas un petit peu plus opaque. Mais le temps restera sec. Les éclaircies reviendront plutôt l'après-midi. On attend 21 à 22 degrés au littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, 24 en moyenne dans le centre du pays et encore 25 en Gaume et en Campine. Changement de décor pour dimanche avec le passage d'une zone de pluie et des températures qui ne dépasseront plus 17 à 21 ou 22 degrés. Encore quelques averses, toujours dans cette relative fraîcheur lundi. Et puis dès mardi, on est reparti pour une période de temps sec avec des températures qui partent à la hausse. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Excellente fin de journée, il est 17h. Soir première, édition spéciale. Arnaud Reussen. Et Diane Burgel-Vernet pour ce journal. Bonsoir à tous. Mobilisation politique et front commun avec les syndicats. La riposte s'organise après l'annonce ce matin de Caterpillar. Le groupe américain va fermer son site de Gosselies. Cela concerne plus de 2000 travailleurs. La direction américaine estime qu'elle peut produire la même chose ailleurs et à moindre coût. L'essentiel de ce journal sera consacré à cette actualité. Mais nous nous intéresserons aussi au déplacement de Bernard Cazeneuve à Calais. Le ministre français de l'Intérieur a bien l'intention de démanteler la jungle de Calais. Des milliers de réfugiés s'y sont installés dans l'espoir notamment de gagner le Royaume-Uni. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation. C'est avec Marjorie Bilot. Oui, et pas de gros problèmes trafic, tant mieux, que ce soit sur Bruxelles ou en Wallonie. La première. L'heure des explications. Après le choc de l'annonce ce matin de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies, la direction du groupe d'engins de chantier a rencontré cet après-midi au siège du gouvernement wallon, l'exécutif régional mais aussi fédéral. Les responsables politiques sous le choc ont affiché leur union avec les syndicats. Un groupe de travail sera mis sur pied dans le cadre de la procédure Renault pour trouver des solutions. Rudi Hermans, la direction belge de Caterpillar, est semble-t-il disposée à travailler en ce sens. Le gouvernement wallon souhaitait rencontrer la direction générale du groupe Caterpillar dans le monde, c'est-à-dire ceux qui ont annoncé très froidement la probable fermeture du site Carolo. Mais avec sans doute un brin de cynisme, les grands patrons de l'entreprise ont décliné cette invitation. C'est donc Thierry Hansen, le responsable de l'usine de Gosselies, pratiquement condamné, qui s'est présenté à Namur. Et nous sentons bouleversés. C'est une intention jusqu'à présent. Vous pensez qu'il y a encore moyen de moduler cela, que ce ne soit pas une fermeture totale? C'est trop récent. Je crois qu'il y a encore beaucoup trop d'émotions. Nous devons absolument suivre la procédure de la loi Renault et donner les informations en priorité au conseil d'entreprise. Vous, en tant que représentant de Caterpillar en Belgique, vous avez été surpris par cette décision de la direction internationale? J'étais inquiet, mais j'étais malgré tout surpris et déçu, effectivement. Paul Magnette a entendu les explications de Caterpillar, les raisons qui amènent la direction à sans doute fermer son usine wallonne. Mais après s'être concerté avec le Premier ministre Charles Michel plus tôt dans la journée, le ministre président wallon a aussi fait part à la direction de l'entreprise de la détermination des deux gouvernements, le fédéral et le régional. Aujourd'hui, ces multinationales se comportent à la limite comme des voyous ou comme des cow-boys. Et donc, dans un premier temps, on a désigné des avocats et on ne fera aucun cadeau au groupe Caterpillar. Dans un deuxième temps, il faudra évidemment passer à l'accompagnement, à la reconversion pour aider ces travailleurs et leurs familles et ces travailleuses à trouver un emploi dans les meilleurs délais et puis travailler à la reconversion du site. On l'aura compris, l'espoir de sauver une partie de l'activité est très mince et c'est déjà l'après Caterpillar qui se prépare. Et chez les employés, c'est évidemment la colère qui domine. Le site a déjà dû faire des sacrifices il y a 3 ans, faire face à une restructuration. Des employés qui sont tristes aussi. Écoutez, cette employée représentante syndicale, elle était présente ce matin lors de l'annonce de la fermeture du site lors du conseil d'entreprise extraordinaire. Tout le monde se taisait. En fait, on était tous les larmes aux yeux, tous, les hommes comme les femmes. Enfin, donc, on s'y attendait vraiment pas, donc on était vraiment un peu choqués, fort émus, et puis voilà, après maintenant, là la colère, je sais que la colère va arriver, dans les prochains jours la colère va arriver, ici on est un petit peu abasourdi, mais c'est très très difficile à accepter, surtout une entreprise comme Caterpillar, où il y a énormément de sous-traitants, c'est pas uniquement 2200 personnes, c'est environ 5000 personnes, 5000 familles qui vont être impactées. Et dans la région de Charleroi, il y avait vraiment plus que Caterpillar, qui était une grosse usine, donc... Ça va faire beaucoup, beaucoup de tort à beaucoup de familles et j'espère qu'on va arriver à de très bonnes négociations pour ne pas laisser ces familles mal, mais bon, on va faire notre maximum. La fermeture du site Carolo est donc un véritable séisme, pour la région, pour l'histoire industrielle du pays. Écoutez, Jean-Marie Osselet, il est responsable provincial de la CSC Métal. La première restructuration était un tremblement de terre, ici c'est l'apocalypse pour toute la Wallonie. Ce n'est pas Gosselies qui est concerné, c'est tous les sous-traitants. Vous pouvez multiplier par 2 les conséquences qui vont se passer ici à Gosselies. On ne s'attendait pas sur Gosselies à une telle annonce, puisqu'on a restructuré, on a réinvesti sur Caterpillar, on a relevé énormément de défis techniques. Technologique et de production, puisqu'on a fabriqué un tir 4 ici, mais qui malheureusement ne se vend pas. Mais technologiquement, au niveau de la R&D, au niveau de la production, tous les challenges ont été relevés par les travailleurs. Donc maintenant, on va essayer de se poser sur les questionnements. Nous avons déjà pris contact avec Paul Magnette. Nous allons faire le point sur les différentes informations et voir éventuellement les possibilités de négociation. Donc pour le moment, on va essayer de trouver une possibilité de contact, de discussion, de négociation pour remettre un peu de... d'humains au travers de ces informations. Des propos recueillis par Cédric Loriot. Alors aujourd'hui, la direction de Caterpillar envisage de transférer une partie de la production en France, à Grenoble. Le directeur financier américain a été très clair lors d'une conférence de presse à Nivelles. Nous pouvons produire ailleurs avec des coûts et des investissements moins importants. Michel Gasset a suivi cette conférence de presse où le groupe a précisé les raisons de la fermeture du site Carolo. Le quartier général de Caterpillar aux États-Unis estime que son usine de Gosselies et les coûts associés à sa taille sont excessifs au regard de sa production. Envoyé en Belgique pour annoncer la décision du QG, l'Américain Mark Thompson, responsable financier chez Caterpillar, évoque clairement les surcapacités de l'usine sans pour autant donner de chiffres précis. Mais il insiste, Caterpillar peut produire ailleurs. Et moins cher, les équipements fabriqués actuellement à Gosselies ailleurs, c'est-à-dire en Chine, au Japon, aux États-Unis et même en France, puisque Grenoble va récupérer une partie des commandes adressées à Gosselies. Mark Thompson rappelle par ailleurs que l'annonce de cette restructuration est avant tout une conséquence de la chute du chiffre d'affaires de Caterpillar depuis plusieurs années. I think we have to start at the top. Je pense qu'on doit commencer par le commencement et réaliser que les ventes de Caterpillar s'élevaient à 66 milliards de dollars en 2012 et que ce sera 40 milliards cette année, une chute de 26 milliards, 40% de revenus en moins en 4 ans. Face à une telle chute de revenus, la direction de Caterpillar a préparé un plan de restructuration. Elle l'a communiqué fin septembre 2015, il y a un an. Objectif, diminuer ses coûts opérationnels d'1,5 milliard de dollars par an à l'horizon 2018. Et pour y arriver, Caterpillar doit fermer des outils et supprimer 10 000 postes sur 100 000. Caterpillar, c'est une véritable institution dans la région de Charleroi, une entreprise qui faisait partie du quotidien des Carolo depuis 1965. Évocation avec Thomas de Broucker. C'est dire assez. Quel est l'intérêt pour la région de Charleroi de l'implantation à Gosselies de Caterpillar Belgium ? Le 21 octobre 1968, Joseph Jean Merlot prononce ces paroles lors de l'inauguration de Caterpillar à Charleroi. À l'époque, le ministre des Affaires économiques se félicite de cette arrivée alors que les charbonnages ferment l'un après l'autre. C'est le début d'une histoire d'amour-haine entre l'usine et les Carolo. Pendant 50 ans, le site verra sortir grues, pelleteuses et autres bulldozers jaunes et noirs marqués de ces trois lettres C-A-T. En 2007, on construisait 800 machines par mois à Gosselies. Malgré ce rendement, les problèmes vont commencer. Fin 2008, la grande crise financière et économique ébranle les principales économies occidentales. L'année d'après, les commandes s'essoufflent et Gosselies diminue sa production de 75%. Il y a 4 ans, l'espoir. Le groupe confirme un investissement de 150 millions d'euros jusqu'en 2015 pour moderniser les lignes d'assemblage. Nicolas Pouloutnik, l'administrateur délégué de l'époque, se réjouissait. Notre job, c'était de convaincre le groupe qu'investir chez nous, en Wallonie et à Charleroi en particulier, était une alternative crédible. Mais en 2013, le choc, la direction de Caterpillar annonce la suppression de 1400 emplois à Charleroi. 3 ans plus tard, on connaît la suite. Caterpillar se débarrasse de ses 2000 travailleurs. Carolo. Et juste après ce journal, Soir Première consacre évidemment une émission spéciale consacrée à la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. La décision est passée un peu inaperçue, mais le gouvernement fédéral a décidé la semaine dernière de prolonger la mission de protection des militaires. Ils resteront déployés dans les rues un mois de plus. Décision prise vendredi dernier lors du Conseil des ministres de rentrée. Une mission prolongée donc jusqu'au 2 octobre. À ce moment-là, l'OCAM, l'organisme de contrôle et d'analyse de la menace, procédera à une nouvelle évaluation globale de la menace. 1828 militaires exactement sont actuellement déployés pour assurer des missions de surveillance en appui des services de police. En France, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend à Calais aujourd'hui pour parler de la présence du camp de réfugiés. C'est l'un des plus importants d'Europe. Des dizaines d'Irakiens, de Saoudiens, d'Afghans y arrivent toutes les semaines. Bernard Cazeneuve veut démanteler le camp. Waoub Fayoumi veut ainsi répondre aux critiques d'une partie de la population de la région. Oui, surtout celle des transporteurs qui se plaignent de violences. Selon eux, les réfugiés sont prêts à tout pour passer la Manche. Les rixes et les attaques de camions serait en augmentation. Mais le plan de démantèlement par étapes proposé par le ministre ne convient pas à tout le monde. La maire de Calais, une élue de droite, craint la dispersion dans toute la région des candidats à la traversée dans des conditions humanitaires déplorables. Elle réclame la mise en place de lieux d'hébergement adaptés avant l'évacuation du camp. Les associations, elles, disent la même chose. L'immense camp appelé Jungle à Calais héberge aujourd'hui entre 7000 et 9000 migrants et 900 seraient des mineurs isolés. Malgré la fermeture de la partie sud du camp au début de l'année, le nombre de personnes hébergées a considérablement augmenté ces derniers mois. Un échec de la politique du ministre Cazeneuve, estiment certains. Les réfugiés espèrent s'embarquer vers la Grande-Bretagne, mais ils sont bloqués par les contrôles d'entrée qui se font désormais sur le sol français. Leur seul espoir, c'est embarquer coûte que coûte, clandestinement, peu importe les dangers. Waoub Fayoumi, merci de nous être fidèles. Il est 17h10 précisément. Toute l'info est sur rtbf.be. Et dans un petit instant, on vous propose une édition spéciale de Soir Première consacrée à l'annonce donc de cette intention de fermer le site Caterpillar à Gosselies. Mais avant toute chose, on va aller voir sur les routes comment cela se passe avec un petit point depuis Perex. Oui, et depuis quelques minutes, eh bien, un accident a eu lieu sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur d'eau des Hossards. Voie de gauche neutralisée, circulation fortement ralentie, nous dit-on, en direction de l'Allemagne. Et puis à Bruxelles-Centre, suite à un accident au rond-point Montgomery, eh bien, on a de gros embarras de circulation. Par contre, sur le ring de Bruxelles, eh bien, sachez qu'il va falloir ajouter 25 minutes sur le tronçon Zaventem Grand Bigard et un quart d'heure de Zaventem au carrefour Léonard, ce qui est tout à fait normal. Normal aussi de perdre ces 10 minutes suite aux travaux à Nîmes-et-Mézières sur le 19 Bruxelles-Valenciennes. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Et restez bien à l'écoute de Soir Première dans une minute, édition spéciale. On aura notamment avec nous le ministre-président Wallon, Paul Magnette, des réactions syndicales, patronales aussi, et l'avis d'un économiste pour tenter de comprendre cette évolution qui sacrifie des grands sites industriels chez nous, Caterpillar aujourd'hui. Hier, c'était Opel Anvers ou Ford Genk. On va essayer de comprendre ce soir dans Soir Première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais entrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electrabel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Comment bien manger quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes? En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien manger. La région de Bruxelles-Capitale, la 1ère et la 3, présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Mélangez un zeste de terre, un poêle de briques, une pincée de ciment et abracadabra. Votre argent rapporte plus que votre compte d'épargne. Ou pas? L'immobilier est-il la potion magique pour vos investissements? Découvrez comment mieux investir grâce au guide immobilier ce samedi gratuit avec l'Écho. L'Écho, prenez de l'avance. Soir première, édition spéciale. Arnaud Reussen. Merci d'avoir choisi la première pour comprendre cette actualité très douloureuse, très violente aujourd'hui pour des milliers de travailleurs après cette annonce de la direction du groupe américain Caterpillar de son intention de fermer son site de fabrication d'engins de chantier à Gosselies. On va vous proposer ce soir des réactions, réactions du personnel bien sûr, du monde politique, des réactions syndicales, patronales, le regard de spécialistes de l'économie également sur ce qui ressemble bien à la fin progressive d'un certain modèle économique. Édition spéciale de Soir Première, donc jusqu'à 18h30. Soir Première, édition spéciale. Il était un peu plus de 8h30 ce matin quand l'annonce a été faite lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire chez Caterpillar à Gosselies. Les syndicats redoutaient des mauvaises nouvelles, mais c'est le pire scénario qui s'est réalisé. L'annonce donc de la fermeture du site. Une baisse de production, oui, mais une telle décision, non, on s'y attendait vraiment pas. C'est vraiment une grosse claque qu'on a ramassée. Il est un peu plus de 9h quand la nouvelle commence à se répandre à la radio, sur les réseaux sociaux. Caterpillar Gosselies ferme, purement et simplement. Beaucoup de travailleurs quittent les lieux tout de suite. D'autres restent abasourdis, en colère, désespérés. À ce point-là, non, on ne savait pas. Ils ont bien joué leur jeu, ils ont bien caché, ils ont bien manipulé à nous faire des heures supplémentaires, nous dire que voilà, on était en retard dans les livraisons, il fallait absolument faire les machines. Et voilà, maintenant ils sont vraiment prêts parce qu'ils n'en auront plus d'ici. C'est assez difficile à avaler parce qu'on ne s'y attendait mais absolument pas, surtout après les investissements de 150 millions qu'on avait fait après la restructuration. Moi, en tant que délégué principal, c'est difficile parce que je sais que ça va faire beaucoup de familles qui vont être très très mal. Visage fermé, regard dans le vide, beaucoup ne réalisent pas encore ce qui leur arrive. Dans les propos, parfois, de la colère, de la rancœur. Ce monde de requins que sont les financiers, les actionnaires, ne demandent qu'une chose, savoir leur pourcentage de rémunération. Ils n'ont aucun sentiment de savoir si jamais, en bas de l'échelle, si ça fonctionne ou pas. Petit à petit, des groupes d'ouvriers se réunissent pour parler, être ensemble. Les anciens viennent aussi par solidarité. J'ai travaillé 40 ans dans cette société. Mon fils y est encore, moi j'ai le cœur blessé pour tous les jeunes qui sont là et qui ont besoin de leur emploi. Le problème, il est là. Moi je suis prépensionné depuis 2 ans. Maintenant ma carrière, elle est terminée, mais les jeunes qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après quelques heures, le site se vide complètement. Caterpillar à Charleroi, c'est fini. La région va mettre du temps à encaisser le coup. Voilà pour l'ambiance donc qui régnait ce matin au moment de l'annonce de cette intention de fermer le site de Caterpillar à Gosselies. C'est Cédric Loriot qui compilait pour nous ces différentes réactions de travailleurs et délégués. Et face à cette annonce, les réactions politiques se sont succédées toute la journée. Une réunion a rassemblé notamment le Premier ministre fédéral et le ministre président Wallon à la mi-journée, avant d'autres réunions avec les représentants des travailleurs, de la direction du groupe aussi. Nous avons pu joindre Paul Magnette, le ministre-président Wallon, au milieu de cet après-midi, avec cette question tout d'abord à Paul Magnette. Que peut espérer faire le monde politique face à une telle annonce? D'abord, il faut affirmer qu'il faut agir à tous les niveaux de pouvoir. C'est pour ça que J'ai demandé à Charles Michel de venir ici au siège du gouvernement wallon avec Chris Peters ce midi pour rencontrer les organisations syndicales, parce qu'il faudra que la Wallonie, mais aussi le fédéral et demain même l'Europe, agissent de concert pour réagir face à une situation comme celle-ci. La première urgence, c'est d'accompagner la procédure Renault, donc c'est d'accompagner et d'aider les représentants des travailleurs à se défendre au maximum, parce que manifestement ici, l'entreprise s'est comportée un peu comme des cow-boys, je ne vois pas d'autres termes. Il y a très peu d'informations qui ont été données, il n'a été répondu à aucune question, donc on va vraiment veiller à ce que la procédure soit strictement respectée, que les organisations syndicales puissent demander qu'on leur fasse la démonstration de ce qui est annoncé, et qu'on puisse aussi proposer des alternatives comme c'est prévu par la législation. Parallèlement, on va évidemment, parce que hélas, on ne doute pas que la décision du groupe est une décision sans doute définitive, même s'ils utilisent encore le conditionnel aujourd'hui, et donc on va travailler très rapidement avec le gouvernement fédéral et avec la ministre régionale de l'Emploi à mettre en place les cellules de reconversion et toutes les politiques qui permettront d'accompagner un plan social et d'aider les travailleuses et les travailleurs de Caterpillar à retrouver un emploi dans les meilleurs délais. Et puis, dans un troisième temps, on travaille évidemment aussi à la reconversion. C'est un site extrêmement important. C'est un site de 100 hectares qui est situé à côté d'un aéroport, à côté d'un autoroutier. Et donc, il est inimaginable pour nous que Caterpillar le laisse en ruine. On a déjà assez subi dans le passé des friches industrielles. On ne peut plus avoir de friches industrielles aujourd'hui. Ce site, s'il est définitivement fermé, devra être reconverti pour y recréer de l'emploi. On a l'impression, à vous entendre, que vous ne rêvez pas d'un scénario à la Audi Forêt, hein, où on se souvient que quand Volkswagen avait décidé de fermer son site, des négociations, des tractations intenses au niveau politique, notamment, s'étaient jouées pour finalement obtenir quand même le maintien de production avec la marque Audi. Ici, vous partez du principe que, a priori, Caterpillar ne reviendra pas sur sa décision ou n'installera pas d'autres productions sur ce site-là. Non, on va d'abord évidemment demander toutes les informations, demander tous les faits, demander tous les chiffres et vérifier que les calculs économiques qu'ils présentent sont corrects, parce qu'on a de sérieux doutes à ce propos, et on va effectivement proposer des alternatives. Mais hélas, on sait que la direction même belge et européenne a été complètement écartée de cette décision. C'est une décision qui a été prise au siège américain de Caterpillar, et il y a peu de chance, il n'y a pas d'exemple dans le passé d'un retour sur cette décision. Donc on va tout faire pour négocier un maintien d'activité, mais si ce maintien d'activité ne peut pas être obtenu, alors il faut très rapidement travailler à une reconversion. Un mot de ce que ça dit de l'état de l'économie wallonne, Paul Magnette, le fait qu'un groupe comme celui-là, qui a un chiffre d'affaires en baisse, qui met, on le sait, comme beaucoup de multinationales, ses sites en concurrence, doivent décider que c'est son site wallon qu'il ferme parce qu'il est moins rentable que les autres. Est-ce que ça ne doit pas aussi interroger sur le fonctionnement, les coûts à la fois du travail, mais aussi par exemple les coûts de l'énergie en Wallonie? Non, mais moi, je conteste formellement ce type de raisonnement. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert la phase Renault qui va s'ouvrir maintenant. Il y a des efforts colossaux qui ont été accomplis par les travailleurs de Caterpillar. Les coûts sur certains produits ont baissé de plus de 35% suite à la dernière restructuration. Et donc, la décision, elle est manifestement beaucoup plus une décision de principe qu'une véritable décision économique. Ici, c'est la Wallonie qui est touchée, mais quand c'était Forbienk ou quand c'était Opel, c'est la Flandre qui était touchée. On est face à des multinationales qui n'ont finalement rien à faire du pays dans lequel ils travaillent et qui traitent leurs travailleurs avec un mépris absolument sans limite. Et donc je crois que le vrai problème fondamentalement c'est celui-là. C'est pas des questions de compétitivité, de coût du travail. Sur tout ça, il y a eu un travail énorme qui a été fait depuis la dernière restructuration de 2013, des efforts énormes qui ont été faits par les travailleurs. Ici, ce sont des décisions qui sont des décisions prises à l'emporte-pièce depuis très très loin. Je crois qu'en faire un cas particulièrement wallon, c'est vraiment se tromper d'analyse. Mais j'ai quand même envie de vous demander pourquoi la Wallonie. Alors, si vous estimez que effectivement on n'est pas plus mauvais en Wallonie et même meilleur qu'ailleurs, pourquoi est-ce que, à votre avis, Caterpillar fait ce choix-là aujourd'hui qui vise le site de Gosselies? C'est précisément les questions qu'on va poser aux représentants de l'entreprise. On pourrait s'être posé la même question à l'époque. Pourquoi la Flandre à propos de Genk? Donc pourquoi la Belgique d'une manière générale? Le problème, je crois, n'est pas celui-là. Cette fois-ci, c'est la Wallonie qui est victime. Une autre fois, c'est un autre site qui est victime et c'est nous qui sommes bénéficiaires. Le problème, fondamentalement, c'est le poids de ces multinationales qui échappent au contrôle des États et qui échappent au contrôle des organisations syndicales. Et c'est à ça qu'il faut remédier si on veut éviter d'autres Caterpillars. Mais alors, est-ce qu'il faut redessiner l'économie wallonne pour demain différemment, moins dépendante peut-être de ces multinationales sur lesquelles effectivement on a peu de prise et à qui parfois on fait quand même des cadeaux, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau par exemple des droits de polluer qui sont importants, sans avoir de prise au moment où elles décident comme cela de supprimer de l'emploi, de supprimer des sites? Mais nous ne faisons aucun cadeau. Le gouvernement wallon ne fait aucun cadeau. On intervient parfois sous forme de subventions, sous forme de subsides, mais toujours avec des conditions. Il n'y a de subvention que s'il y a un engagement en matière d'investissement, un engagement en matière de maintien et de création d'emplois, et nous le vérifions de manière systématique. Par contre, c'est vrai qu'il y a des cadeaux fiscaux comme les intérêts notionnels, et une fois de plus, ici, c'est la démonstration que ces intérêts notionnels, ça coûte très cher à l'État, et ça ne sert absolument à rien, parce que ça n'empêche pas une multinationale comme celle-ci de décider de fermer son site chez nous. Voilà ce que nous disait Paul Magnette donc un peu plus tôt dans l'après-midi lorsqu'il nous a accordé cette interview, la réaction donc du ministre-président wallon face à cette annonce de Caterpillar. Ministre-président wallon, Paul Magnette, qui est aussi bourgmestre de Charleroi, ville touchée donc ici de plein fouet, puisque c'est sur le site de Gosselies donc que Caterpillar a annoncé son intention de fermer son unité de production en Belgique. Les questions sur les intérêts notionnels, les questions aussi sur le tissu économique wallon. On va y revenir dans la suite de Soir Première, mais avant toute chose, intéressons-nous à ce qui est l'essentiel maintenant pour toute une série de travailleurs, 2100 travailleurs sur le site de Gosselies, qui se voient annoncer aujourd'hui le fait qu'ils risquent de perdre leur emploi dans les mois qui viennent, avec le déclenchement de la procédure Renault, on l'a dit. Eh bien, on va essayer d'y voir clair tout de suite, avec une avocate spécialisée en droit social. C'est Sophie Remouchan qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parle de cette procédure Renault, procédure qui a été mise en place justement après l'annonce de la fermeture traumatisante de Renault Vilvoorde. Elle prévoit quoi cette procédure Renault quand une entreprise, ici Caterpillar, décide tout simplement de vouloir fermer un de ses sites? Donc la, ce qu'on appelle la loi Renault est venue compléter le dispositif qui existait déjà. Il faut savoir qu'en matière de licenciement collectif, il y a également des directives européennes, donc un ensemble coordonné au niveau européen. Alors en fait, essentiellement, l'employeur doit s'obliger à une procédure. Donc c'est une procédure d'information et de consultation qui doit destiner aux représentants du personnel auprès du conseil d'entreprise. Alors la philosophie de tout ça, telle que c'est bien expliqué par la Cour de justice, donc puisqu'on parle ici d'une directive européenne, c'est de parvenir à un accord avec les organisations syndicales, enfin les travailleurs au sein du conseil d'entreprise, sur les mesures de restructuration qui sont envisagées par l'employeur. Et le premier objectif, c'est d'éviter le licenciement collectif, de réduire le licenciement collectif et, si jamais les mesures doivent quand même être prises, d'atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales. Alors, on est vraiment dans un processus qui est un processus de négociation où l'employeur a l'obligation de faire des consultations approfondies avec les représentants du personnel. Alors, le point de départ, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la notification de l'intention de licencier. Mm-hmm. Donc, oui. Non, je ne voulais pas vous interrompre. Okay, très bien. L'employeur est obligé de notifier aux représentants du personnel son projet. Alors, il faut bien insister là-dessus. Au niveau des textes légaux, l'employeur doit présenter quelque chose qui est discutable. L'idée est d'impliquer les représentants du personnel qui connaissent l'entreprise, puisqu'ils suivent tous les débats dans le cadre du conseil d'entreprise, afin d'agir en amont de la décision elle-même. Alors, justement, là-dessus, parce que là, je vous interromps, Sophie Remouchan, oui. Est-ce que ça, c'est pour la galerie, ou bien est-ce que dans les faits c'est réellement comme ça que ça peut se passer? Parce que quand on lit les éléments de la procédure Renault, on a l'impression qu'on donne vraiment voix au chapitre, aux organisations syndicales, aux représentants des travailleurs, sur la décision qui doit être finalement prise. Est-ce que concrètement, on donne vraiment voix au chapitre, au syndicat, pour dire il faut ou non fermer le site, quand on sait que ces décisions-là se prennent aux États-Unis pour un site comme celui de Gosselies? Oui, alors il y a deux choses. D'une part, l'intention qui préside à la réglementation est vraiment d'impliquer les représentants du personnel en tant que coacteurs de la décision de l'entreprise. Alors évidemment, la décision finale appartient toujours à l'employeur, mais l'idée, c'est que quand l'employeur se dit « oulala, ça ne va plus », il va falloir prendre des mesures sévères, ou peut-être qu'on va devoir arriver à des mesures sévères, qu'à ce moment-là, il enclenche sa procédure. Bon, alors évidemment, quand on a affaire à une multinationale qui décide pesticides pour des sites dans le monde entier et bon, ça devient un peu plus compliqué. Le deuxième problème, c'est la réglementation elle-même, qui à la fois dit que l'employeur doit avoir un projet, mais en même temps lui demande de donner des précisions très concrètes sur ce projet-là, dont notamment le nombre de personnes à licencier, comment on a choisi les travailleurs à licencier. Donc à la fois, il y a cette idée de projet, et en même temps la réglementation induit elle-même que l'employeur doit l'avoir assez bien pensé. Donc on a clairement un problème d'articulation de la réglementation l'une avec l'autre. En gros, en général, quand la procédure Renault est enclenchée, ça veut dire que cette idée, soit de fermeture, soit d'un grand licenciement collectif, elle est souvent déjà bien avancée et on en négocie plus les modalités que le fond même, non ? Oui, sur le plan pratique, c'est essentiellement ça qui se passe. Et d'ailleurs, il est même souvent difficile pour les représentants des travailleurs de pouvoir discuter même du projet. Parce que l'employeur doit venir avec des... Donc, ils ont la possibilité de demander toutes les informations qu'ils souhaitent, pouvoir comprendre exactement dans quelle situation se trouve l'entreprise, et avec éventuellement des informations qui dépassent le périmètre de l'entité juridique, ici de l'entreprise belge, qui est concernée. Et ils ont également la possibilité de faire des propositions et des contre-propositions. Donc de dire à l'employeur, vous aviez ce projet là, nous on propose autre chose. Et l'employeur a l'obligation d'y répondre. Donc ça veut vraiment dire que quelque part, l'employeur doit être disposé à modifier complètement ses plans. Mais d'un autre côté, on constate en pratique que rien n'est négociable, les choses sont comme elles sont. De toute façon, c'est pas l'interlocuteur qui est au conseil d'entreprise qui décide, il doit tout le temps rapporter pour savoir oui ou non auprès de la multinationale de celui qui dirige. Donc il y a effectivement en pratique un peu de respect de cette obligation de discuter du projet lui-même. Alors justement, une dernière question, Sophie Remouchon, est-ce que ça donne vraiment finalement une marge de manœuvre, cette loi Renault, aux travailleurs et puis peut-être aussi aux dirigeants politiques, hein. On entendait Paul Magnette dire, oui, on va maintenant essayer de voir comment Caterpillar justifie les choses, combattre éventuellement son argumentaire, ou bien est-ce que si on veut donner plus de pouvoir aux travailleurs, aux représentants politiques face à ce pouvoir des multinationales, il faut éventuellement revoir la législation pour l'avenir, en quelques mots. Alors, dans l'état actuel de la réglementation, la seule arme à disposition des travailleurs dans une situation comme celle-ci, c'est l'arme de ce qu'on appelle la contestation collective. Donc, une fois que l'employeur a l'obligation de répondre, hein, comme j'ai dit, aux demandes d'information, aux propositions qui sont faites, et également l'employeur a l'obligation d'avoir une intention. Si l'employeur ne respecte pas ces éléments essentiels-là, les représentants du personnel peuvent dire, nous on constate qu'il n'y a pas de respect de la procédure Renault, et ça va ouvrir la possibilité pour les gens qui seraient licenciés dans le cadre du licenciement collectif de faire une réclamation individuelle et là aller porter en justice une demande qui est assez forte, qui est de dire payez ma rémunération depuis le jour de mon licenciement jusqu'à ce que vous ayez recommencé correctement la procédure. Donc toute une procédure Renault à nouveau. C'est les sanctions qui ont été amenées par la loi Renault et qui avaient pour but en fait d'éviter qu'on bypasse les procédures qui sont prévues. Et donc ça c'est quand même une certaine arme parce que si elle est mise en œuvre financièrement, vu ici qu'on parle quand même de 2100 travailleurs, c'est pas des cacahuètes, hein, parce qu'une procédure de formation et de consultation, en général, ça s'étend